suis dans des halls crades. Psycho, F-A-R-I-D. Rock, cacarotte, synonyme à du karaté. Bah, dangereux. Je suis dans des halls crades. Là où certains, là où certains devaient ma scène pour subvenir à leurs besoins. Entre les bars, c'est les transacts, les balancer la bague. J'ai plus au bac, ces bâtards on les braque. La mixtape pour ma strike, 59 G spécialiste du crack. Paris dévié, plus venant d'une glace de bac. Sur le mic on débarque, lâche des rafales de balles. D'Algérie au Sénégal, tous nous les balles haram. La France on la condamne. J'ai tendé au crap, là où chacun, là où chacun devait ma scène pour subvenir à leurs besoins. Entre les bars et les transacts, les balancer la bague. J'ai plus au bac, ces bâtards on les braque. La mixtape pour ma strike, 59 G spécialiste du crack. Paris dévié, plus venant d'une glace de bac. Sur le mic on débarque, lâche des rafales de balles. D'Algérie au Sénégal, tous nous les balles haram. La France on la condamne. Psychose, quasi kamikaze, moi pour avancer d'une case cause. C'est avec les mains que ce que je fixe, je augmenter la dose et sortir les doses. C'est qu'à trop de vue casser ou gâcher, les mains encrassées. Comme ce gars qui dit les kiffs, me pas chier. Comme ce fait les cadres de l'armée, devant un guichet. Manipulé par la race, j'aurai pas de gaz, il demande au casseur. Moi je lève mon majeur gauche pour la droite, mon majeur droit pour la gauche, mon majeur gauche pour la droite. Et je mets gauche sur l'extrême droite chez nous. Les petits rats qui font des bêtises, fini le temps des smarties. Sans que le marteau est déboîté. Soit 12 et grand, rabat trop. Traîne ta reste, lève tôt pour l'euro. À l'alma, ouais, arabe ou négro. On a tous la même haine dans la tête. Et demande à Ototo ou à Chicago. Demande à pirate, attaqué par la bague. Digesté par la matraque, alors on traque. On braque, on craque le sac. Oui, nous mélange tous, nous pousse à tout niquer. Et que leurs autorités soient à notre route. Alors on trace, on doit stress. Casse les bruits, la bague pendant que le quart de CRS se dirige vers la tête. T'as qu'à ton applique s'il y a du sang sur ta veste. Pour la volaille, c'est trop vaste, t'as vu, mille et une ruse dans nos rues. Quand il y a un guet-apens, on a connu, inconnu. Dans nos rues, on a cogné, en garde à vue, on a grogné. Dans ma zone, on veut qu'une bulle et les gros bonnets. Appelle-nous, quartier nord, trop énervé, morveux. J'te rappelle, c'est un strike sur la Sephora. C'est trop violent comme un jet d'âle sur la Sabra. La 6, c'est la Xara ou la Méga. Et moi et mes gars, illégaux, le micro, on crame. Résident des halls crap, là où ça craint. Là où certains devaient ma scène pour subvenir à leurs besoins. Entre les bars et les transacts, les balancer la bague. J'ai plus au bac, ces bâtards on les braque. La mixtape pour ma strike, 59 G spécialiste du crack. Paris dévié, plus venant d'une glace de bac. Sur le mic on débarque, lâche des rafales de balles. D'Algérie au Sénégal, tous nous les balles haram. La France on la condamne. J'arrive violent, mineur, je lève mon majeur. Pour les juger, procureur, accusation à tort. Spectaculaire comme une évasion. Opère un visage masqué, c'est son de la rue qui te braque. On rêve de calage, de AK. De quoi finir à l'ombre pour des années. L'État en est venu la canner, la baiser. J'baisse pas les bras, lever les fosses, c'est un braco. On aime le feu de l'action, les armes, les transactions. La cagoule fait bandier, s'il faut la mèche, je le ferai. Jamais regretter les erreurs du passé. Elle va irriter au passage. Dédicace aux frères décédés, assez enfermés. Aux braqueurs, aux dealers, chez sous cellophane. On aime les grosses bécanes, les femmes, les armes. Tous sans état d'âme, c'est psycho. Pas les narines dans la coco. On pense tous aux braco, tous dans la merde. Et les barbus qui ont la DST au cul. Pour un barbu, synonyme de terroriste et d'intégriste. Dieu de s'intégrer dans cette société. Quand t'es étranger, Sarko traque les sans-papiers. Délinquants dans les quartiers. Fils de pute mérite qu'on allume et qu'on le fume et qu'on l'encule. Des textes sans scrupules, on mène des vies crapules. Trop de frères en détention, trop de mères en pleurs. Trop de pères désespèrent. Voir la vie qu'on mène, tous déçus, sans issue. Sors le zifu, j'irai un coup en l'air. Pour représenter nos frères en galère. Toujours des terres comme nos frères sur terre. Terre, de la plaquette au kilo. Du détail au boulot. On navigue entre le bien et le mal, le diable et les anges, le haram et le halal. Trouver le droit chemin et d'y rester. Du camp t'es tenté quand le diable est invité. La mort peut t'emporter, t'emporterai avec toi. T'es hassan et t'es péché, à toi t'en débarrasser. On rappe ce que l'on vit, viens faire un tour, là on survit. Au milieu des bigots, des négros, on t'encule facho. Là on finit tous au cachot, serre les fesses ou ramasse la sable. Chez nous pas de des patraves, que des jeunes qui bigrafent. Dans des caves, matérialise dans les caves. On aime tenter le jab, enchaîner les mauvaises actions. Dédicace à ceux qui passent à l'action. Cadou, l'arme au poing, 357. À bout la recette, pas là pour faire causette. À ceux qui se font péter par les subs, leur dédescendre. À ceux qui font péter les douilles, leur dédescendre. Je dis ce que je pense, voilà pourquoi je rappe ma rage sur feu et blanche. Paris dévié, un son qui dérange la France. Résident des halls crades, là où ça craint. Là où certains devaient ma scène pour subvenir à leurs besoins. Entre les bars et les transacts, les balancer la bague. J'ai plus au bac, ces bâtards on les braque. La mixtape pour ma strike, 59 G spécialiste du crack. Paris dévié, plus venant d'une glace de bac. Sur le mic on débarque, lâche des rafales de balles. D'Algérie au Sénégal, tous nous les balles haram. La France on la condamne. Résident des halls crades, là où ça pack, j'ai plus au pack, c'est pas tard, on les braque. Un mixtape pour la strike, 59G spécialiste du crack. Farid Défi est plus venant du crack.